Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule temporelle. Nous sommes le lundi 24 juin et il y a 76 ans, un événement historique se passa dans la capitale allemande. Je vous parle du blocus de Berlin. Allez, c'est parti! Pour commencer, le blocus de Berlin est l'un des épisodes majeurs de la guerre froide, en Europe, durant lesquels les soviétiques bloquent les accès terrestres vers Berlin. En retour, les trois puissances occidentales vont organiser un grand pont aérien pour ravitailler leurs garnisons et les populations civiles berlinoises. Le 24 juin 1948, à l'issue d'une longue dégradation des relations entre les quatre puissances occupantes, l'Allemagne et l'Union soviétique bloquent toutes les voies routières et navigables. L'accès aux secteurs occidentaux de Berlin n'est plus possible que par les couloirs aériens qui les relient à leur zone d'occupation. Américains, Britanniques et Français se trouvent confrontés à devoir concilier prudence et ne pas provoquer une guerre et pour ne pas compromettre leur posture d'enguillement des avancées communistes en Europe. Sachant que défendre la liberté d'accès à Berlin par une action militaire n'est pas envisageable. Les garnisons occidentales de Berlin comptent 6500 hommes, alors que les soviétiques disposent de 18 000 hommes à Berlin et de 3000 hommes dans leur zone d'occupation qui encercle Berlin. Malgré leurs doutes sur son efficacité, les généraux Clay et Robertson organisèrent la montée en puissance de ponts aériens qui fonctionnent déjà à petite échelle depuis les premières restrictions d'avril. Dès l'annonce de la réforme monétaire le 18 juin, Américains et Britanniques anticipent la possibilité de réaction soviétique et accroissent le nombre de rotation aérienne. Le pont aérien qui se met en place à partir du 24 juin est donc moins une décision stratégique de réponse au blocus qu'une montée en puissance d'un dispositif existant, donnant du temps pour des choix définitifs. Clay obtient du général Curtis LeMay, chef de l'United States Air Force in Europe, tous les avions de transport disponibles pour le ravitaillement par les airs de Berlin. L'opération américaine est appelée Opération Vitlus. Début juillet, les Américains et les Britanniques pensent pouvoir acheminer ensemble environ 1400 tonnes par jour, dont seulement 50 tonnes serviraient à leur garnison. Un certain optimisme s'installe jusqu'à ce que des estimations plus précises des besoins quotidiens des Berlinois, notamment en charbon, montrent que les capacités seront très insuffisantes. Il faudrait pouvoir acheminer au moins 4500 tonnes quotidiennement. Les avions transportèrent vivres, matériel et matières premières, principalement du blé, du charbon, de l'essence et des médicaments. L'Union soviétique lève le blocus le 12 mai 1949 à minuit. La circulation entre la trizone et la zone soviétique va être très rétablie. Ce blocus de Berlin est l'une des toutes premières crises de la guerre froide. Maintenant, retournons en 2024. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette capsule temporelle. Merci de suivre Radioactive et maintenant place à la suite du programme.